Leçon 2. Document 1, page 12. 1. Allô, bonjour, Marc. Je voudrais parler à ta sœur. Désolé, elle dort. 2. Allô, Alice ? Ah non, je suis sa mère. 3. Allô, bonjour Alain. Est-ce que ton frère est là ? Je ne sais pas. Je travaille. 4. Allô ? Je voudrais parler à mademoiselle Lucie de Blaillac, s'il vous plaît. Elle est absente. Vous voulez laisser un message ? Je suis son père. Non, non, merci.